Thank you. Thank you. Thank you. le double concerto pour violon et violoncelle, opus 102 de Johannes Brahms, termine, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la première partie du troisième concert symphonique transmis du Palais des Fêtes à Strasbourg, concert donné par l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française sous la direction de Paul Kletsky, avec le concours de Adolphe Busch, violon, et Hermann Busch, violoncelle.